Rappelle-toi frère, on s'est connus par terre. Cette minique avec nous on vise l'artère. J'pète mon pédou, j'ouvre les ristoff. J'fais un mélange au milieu de la tête comme Eruskov. La Kalashnikov se balade dans les rues de ma ville. Dans les rues de ma ville, ça gire, gire, ça kila. Ça pense au pire, j'suis à l'ancienne. Comme faire les fils en double fil avec une chienne. On a pété la cime, Nessie m'a dit à l'estive. À la base, ils n'ont pas vu venir, ils sont repartis avec mon shit. Rappelle-toi frère, on s'est connus par terre. Cette minique avec nous, on vise l'artère. On est malin, on a le sens des affaires. J'ai trop la dalle quand je pense à ma mère. Rappelle-toi frère, on s'est connus par cœur. Sourire berbère si tu touches à mon terre-terre. On est malin, on a le sens des affaires. J'ai trop la dalle quand je pense à ma mère. Je pointe, on gonfle le torse. Je tourne en ville dans le dernier Porsche. Je compte mes sous, je suis mon propre boss. Je me suis fait tout seul comme dans les quartiers nord. Frérot, j'ai arrêté l'école pour faire des sous. Lendemain, je fumais des joints, je me levais à midi, rien à foutre. On m'a poussé des affaires, 10 litres entre les mains. Coupé, j'ai tout vendu, j'ai tout claqué à Marbella. Sous la terre j'ai mis quelques graines. Fumé deux queues dans le ciel. Au poignet Rolex présidentiel. Toujours en tribune présidentielle. Rappelle-toi frère, on s'est connu par terre. Cette minique avec nous, on vise l'artère. On est malin, on a le sens des affaires. J'ai trop la dalle quand je pense à ma mère. Rappelle-toi frère, on s'est connu par cœur. Sourire berbère si tu touches à mon terre-terre. On est malin, on a le sens des affaires. J'ai trop la dalle quand je pense à ma mère. Alors Inca, comment ça se passe? J'suis dans le 9-4, je roule mon pet toujours rabat. Le frère Onaps, comment ça se passe? J'suis dans un 3, toujours rabat, je roule mon pet. Rappelle-toi frère, on s'est connus par terre. Cette minique avec nous, on vise l'artère. On est malin, on a le sens.